Tu dois être bien heureuse, dit Lisbeth à sa petite cousine en sortant de table. Ta maman t'a tiré d'affaire en te donnant son argent. Maman ? Répondit Hortense, étonnée. Oh, pauvre maman ! Moi qui pour elle voudrais en faire de l'argent. Tu ne sais pas, Lisbeth ? Eh bien, j'ai le soupçon affreux qu'elle travaille en secret. On traversait alors le grand salon obscur, sans flambeau, en suivant Mariette qui portait la lampe de la salle à manger dans la chambre à coucher d'Adeline. En ce moment, Victorin toucha le bras de Lisbeth et d'Hortense. Toutes deux comprenant la signification de ce geste, laissèrent Wenceslas, Célestine, le maréchal et la baronne aller dans la chambre à coucher et restèrent groupés à l'embrasure d'une fenêtre. « Qu'y a-t-il, Victorin ? » dit Lisbeth. « Je parie que c'est quelque désastre causé par ton père. » « Hélas, oui, répondit Victorin. Un usurier nommé Vauvinet a pour 60 000 francs de lettres de change de mon père et veut le poursuivre. J'ai voulu parler de cette déplorable affaire à mon père à la chambre. Il n'a pas voulu me comprendre. Il m'a presque évité. Faut-il prévenir notre mère ?»« Non, non, dit Lisbeth. Elle a trop de chagrin. Tu lui donnerais le coup de la mort. Il faut la ménager. Vous ne savez pas où elle en est. Sans votre oncle, vous n'eussiez pas trouvé de dîner ici aujourd'hui. » Oh mon Dieu, Victorin, nous sommes des monstres, dit Hortense à son frère. Lisbeth nous apprend ce que nous aurions dû deviner. Mon dîner m'étouffe. Hortense n'acheva pas, elle mit son mouchoir sur sa bouche pour prévenir l'éclat d'un sanglot. Elle pleurait.